Une mort tragique, de mystérieux courriels. Guillaume Ken a kiffé du cheval. Cette semaine, on a maté Ne le dis à personne et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Mais là, j'ai pas le temps, bien sûr. J'ai matériellement pas le temps, bien sûr. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré à Ne le dis à personne. À mes côtés pour en parler ce soir, Mickaël, bonsoir. Ouais, bonsoir, j'aurais préféré que tu le montres à personne aussi. Comment ça va, Mickaël? Ouais, ça va. Ça va? Oui, ça va, ça va. À tes côtés, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine. Comment bonsoir, ça va? Garçon. Ça va et toi? Bonsoir. Ça va. Bonsoir. Et enfin, Greg. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super. C'est bon comme ça? Ouais, ça va, c'est cool. Et toi? Super. Tonio, tranquille. Moi, je suis au top. Je suis un peu claqué, mais je suis au top. Donc, ce soir, on parle de Ne le dis à personne de Guillaume Ken, film sorti en 2006 de 125 minutes. Produit par EuropaCorp. Des habitués hein, quand même hein, dans l'émission de cela. Avec en acteurs principaux François Cluzet, André Dussolier, Marie-Josée Croz, Christine Scott-Thomas, Nathalie C'est quoi les bails, François Berléand et Jean Rochefort. Il doit manquer juste Clovis Cornillac et il y avait tout le cinéma français. Ouais. Et pour ceux qui n'en se souvenaient pas, ça ressemblait à ça. Mais t'as pas dit Gilles Lelouch. Comment tu peux croire que c'était elle? Tu vas devenir fou. Regarde criminel, pourriez nous suivre s'il vous plaît? Une pelleteuse de la DDE a déterré deux corps près du lac. On sait que c'est moi qui ai fait ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de frapper votre femme? On me surveille, putain. On a 1 milliard de pistes, mais pas la queue d'une preuve. Pourquoi? Allô, maître? Ils ont retrouvé l'arme du crime chez vous, vous allez être arrêté. Pas maintenant, c'est pas possible. Je l'ai vu. Je te jure que je l'ai vu. Vous avez conscience que votre client vient de nous filer les aveux en bonne uniforme. Ok. Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, voilà, la bande annonce, j'explique pas du tout l'histoire pour une fois. Donc, bah, histoire qui est compliquée quand même. Alors, une histoire qui est compliquée. Alors, déjà, elle est bien. Oui, on dit ça. On est d'accord pour avant dire avant même de la résumer, c'est une très très bonne histoire qui tient la route. Donc, ouais. C'est quelque chose de solide et. Oui, oui, vous êtes bien dans 2 heures de perdu. C'est un peu la première fois qu'on dit ça. Pourquoi on a perdu 2 heures? C'est plus à cause du traitement. Ouais, c'est sur la forme, quoi. Déjà, on va demander à notre consultant, notre expert histoire, c'est Greg. Au niveau de l'histoire, est-ce que tu peux nous résumer globalement? Ah ouais, mince. Alors, l'histoire du film. Alors, on a une petite intro qui montre le bonheur d'un mari et de sa femme, François Cluzet. Et très vite. C'est pas sa femme, hein, François Cluzet. C'est dur, hein, c'est dur. Et très vite va y avoir un drame. Et le drame, c'est que sa femme se fait tuer. Le drame, c'était surtout la blague d'Antoine. Dès le début, comme ça, ça fait chier, quoi. Non, on va y arriver. Et donc, sa femme se fait tuer, et après, t'as une ellipse, on arrive 8 ans après, et il se trouve que, il y a des éléments qui reviennent dans le dossier. Il reçoit un courriel sur sa boîte. Il reçoit des courriels, déjà, il reçoit des courriels à gogo, et on se doute bien que sa femme, en fait, elle est pas morte, et donc, il y a toute une intrigue qui est faite là-dessus, qui est plutôt pas mal faite. Et, en gros, il va essayer de retrouver sa femme sur fond d'enquête policière. Voilà. Donc au milieu du film, ça devient un peu le fugitif quoi. C'est-à-dire qu'il il est poursuivi, il va trouver refuge chez Gilles Lelouch que j'ai oublié de citer, qui est très important dans ce film. Ouais. Ouais. Je l'avais pas oublié moi. Hein, donc le film commence pour bien expliquer qu'il vivait le bonheur absolu. C'est lui en vacances dans un lac avec sa femme. Déjà, ça commence avec de la soul. Un film de Canet, ça commence forcément avec de la soul. J'ai compté donc des montages ellipse clip soul. Il y en a huit. Et il y en a 8. Mais l'intro, c'est vraiment la signature Canet, quoi. Tu sais que tu vas regarder un. De toute façon, en fait, tout le long du film, c'est la signature sauf le scénario. Tu vois, pour une fois, c'est pas lui qui. Enfin, quand c'est pas lui qui l'écrit, c'est quand même. Enfin, moi, je t'aime beaucoup, hein, Guillaume. Moi, je voudrais pas te tracher comme ça en public. Mais quand même, quand c'est pas lui qui fait l'histoire, ça se sent. Après, quand il réalise, ça se sent aussi, quoi. Tu vois, tu sais que t'as les mêmes trucs, quoi. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu un téléfilm, en fait. Oh non, quand même pas. Quand même pas, non. Non, parce qu'ils n'ont pas les droits pour mettre des putains de musique de soul comme ça. Mais donc au début, il y a l'espèce de montage bonheur soul. On comprend qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Alors ça commence aussi par une bouffe, quoi. Parce que le bonheur, c'est ça, c'est de se réunir entre amis et de faire une bouffe. Oui, en fait, j'ai lu que c'est pendant cette scène de bouffe qu'ils ont fait « Ok, faut qu'on fasse les petits bouchons. » Non, mais c'est et si on en faisait un film de cette scène. C'est vrai que je pense qu'on peut le dire tout de suite, l'analogie avec les petits mouchoirs, elle est du début elle est complète. À la fin. Quoi. Elle est complète. Le seul personnage qui manque, c'est Nassim. Non, mais il y a un moment. Ah, non, je le confonds. Non. Il ressemble au flic, tu sais. Ouais, non, mais c'est pas lui. Mais j'étais content, je me suis dit, oh, c'est Nassim, trop bien. Et puis après, non. Donc François Cluzet gueule aussi dès le début du film, ça m'a fait marrer. Ouais. En fait, il joue pas mal, hein, François Cluzet. Moi, j'aime bien, hein, mais après, c'est vrai qu'il joue tout le temps pareil, quoi. Et enfin, il y a la scène du lac, donc on explique qu'il est, il est avec sa femme en train de se baigner tranquillement dans un lac où l'eau. À poil. Sont à poil. Ça, c'est plutôt cool, hein. À poil, tranquille. C'est, moi, poil. Moi, je trouve ça assez flippant. Enfin, moi, déjà, je connais personne sur Terre qui m'accompagnerait à poil dans ce lac nuit. Ce qui est super flippant, c'est la nuit, quoi. Je sais pas, vous avez déjà nagé la nuit? Ouais. Ah, bah, tu étais un l'horreur, que t'as des tétards partout sous tes pieds. Non, mais là, le lac, c'est le lac de l'horreur, quoi, tu vois. C'est le Black Lagoon, quoi. Mais en plus, genre, tu sais, il s'engueule un peu, elle fait, ah, vas-y, je m'en fous, je pars toute seule devant. Personne ne surtout à poil, tu sais, genre, tu te sens vraiment vulnérable. Alors, et tu vas plonger dans une eau glacée effroyable. Moi, je sais pas si ça vous a fait ça, mais. allez. Au moment, en fait, où la nuit tombe, on les voit sur l'espèce de ponton, nus, en train de dormir. Moi, je pensais qu'ils étaient morts déjà. Qui dort nu à poil à côté d'un lac, quoi. Non, mais surtout, il doit faire froid. Il doit faire super froid. Non, mais en plus, autre analogie au petit mouchoir, tu vois, c'est que. Dès le début, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et moi déjà, enfin, la première fois où elle plonge quand il fait beau et tout, je me suis dit, ok, elle va mourir. En fait, elle meurt après quand il fait nuit, tu vois, c'est plus logique. Ouais. Mais dès le début, tu sens l'attention, tu sais qu'il va se passer quelque chose et c'est amené, tu vois, avec de la saole. On se demande comment elle fait pour amener ça avec de la saole, mais pourtant, on sait que ça va tomber et bon, ça tombe au bout de 5-6 minutes du film, quoi. Donc là, elle disparaît. Ils se prennent la tête, elle part derrière des buissons, on l'entend crier, il la reverra plus jamais, il sera assommé, et ensuite, voilà. On est projeté directement 8 ans plus tard, en fait. 8 ans plus tard, on comprend qu'on a retrouvé son corps à elle. Ouais. Qu'elle est morte d'un tueur en série, ou je sais pas quoi. Ouais, visiblement. Ouais. Et donc tout va bien. On est d'accord là-dessus. Lui, il revient d'accord. Ouais. Okay, on va dire qu'on soit d'accord. Et du coup, voilà, sauf que tout va basculer. Mais donc déjà dès le début, on introduit le personnage de Gilles Lelouch, c'est très important. Donc Gilles Lelouch qui interprète Karim Benzema. Non, mais, donc débardeur blanc, chaîne en or qui brille, il a le tatouage The Godfather sur l'épaule gauche. Je me suis demandé si c'était son vrai tatouage d'ailleurs. Non, il est complètement raté, il est tout baveux le tatouage, ça m'a fait marrer. Mais c'est la plus grosse erreur de casting de l'histoire du cinéma, non? Non mais là c'est affolant. Ouais, Greg, qu'est-ce que t'en penses? Greg, c'est notre consultant Gilles Lelouch. Non mais Guillaume Canet, il s'est dit il nous fout une racaille, on va prendre Gilles Lelouch. On va pas tirer l'ermite, quoi. Bon, déjà, faut savoir que le personnage de Lelouch, il s'appelle Bruno. Moi, je trouve que ça lui va très bien, mais je pense que même dans la vraie vie, il pourrait s'appeler Bruno, quoi. C'est vraiment, enfin, j'ai rien contre Bruno non plus, hein. Bon ouais, dès le début, enfin, tu vois, t'as tous les clichés du Lascar, donc il arrive avec son fils qui est malade, et genre, je vous donne pas mon fils, y a personne qui touche, sauf toi. Tu sais pas pourquoi, c'est complètement con, son môme, il est en train de crever, Non, vas-y, c'est lui qui doit être. Il va pas aux urgences. Il cherche dans l'annuaire un pédiatre. Alors, son fils est en train de mourir, hein. Ça c'est mais surtout quoi. François Cluzet qui fait non mais donnez-le-moi, il fait probablement une hémorragie, t'sais, mais tout le monde est super tranquille. Sachant qu'il arrive à l'hôpital, il fracasse tout le monde, quoi, tu vois. Bon bah le il a Lascar. Aucun service d'ordre. Et à la fin il va lui proposer des plasmas. Ah oui, ça c'est trop drôle. Tu veux un plasma? Des super plasmas. Ce qui est marrant, c'est qu'après, au fur et à mesure du film, on se rend compte quand même que le gars, il a de l'influence dans la cité, tu sais. Il arrive à mener toute une bande de Lascar. Attends, on va en parler tout à l'heure. Je t'en parle tout à l'heure, mais là tout de suite il propose des plasmas. Alors que c'est le mec le plus puissant de la Tessie, qu'est-ce qu'il a? Genre, il est pas en train de dealer des kilos de drogue avec le Maroc ou un truc comme ça. Non, il fait du trafic de plasma. Mais pourtant, il y a toute une cité qui le suit, quoi, pour les plasmas, quoi. Par contre, dans sa garde-robe, il a que des Marcel. Hein. Donc là, après, il y a un flic qui vient voir François Cluzet, et j'ai pas compris, il ne fait que se frotter la moustache avec un mouchoir. Alors déjà, justement, une chose à noter, c'est que tous les flics ont des moustaches dans ce film. Et là, Guillaume Canet a dit à ses acteurs, bon, tu vas jouer un flic, fais-toi pousser la moustache. Il vaut mieux. Et c'est pareil, le flic est super menaçant. Il est suspicieux, menaçant. Vraiment de dingue, quoi. Il sort vraiment du contexte, quoi. Sachant que c'est un petit gendarme avec une moustache. Petit gendarme de Rambouillet, quoi. Donc après, c'est la campagne. Il y a un montage soul. Ah, encore, je l'ai cité, on va pas en parler. Moi je veux bien parler. Le montage avec Jeff Buckley, là, le montage de l'enterrement. Oh putain! Oh, Jeff Buckley. Mais non, mais ça, c'est pareil. C'est comme les petits mouchoirs, l'enterrement. Ça, mais oui. Les 10 minutes d'enterrement avec Jeff Buckley, quoi. C'est bon. Moi, je m'attendais à voir le vieux à huître avec son sac de sable, quoi. Vraiment. Après, j'étais déçu de pas voir. On le voit plus tard, le vieux à huître. On le voit après. Mais, putain, j'étais tellement mais en plus, surtout, moi, je l'imagine tellement avec ses huîtres dans le casque. Oh, attention, j'ai mes huîtres, là. Je le fais hyper mal. Non mais c'est pompeux quoi. Enfin, le montage il aurait pu s'en passer quand même. Enfin, c'est du canet. Hein. Ouais, c'est un clip. Mais après on va parler du clip de YouTube. Aussi. Oh, putain. Alors il y a le donc là il y a le premier courriel qui arrive. Ouais. Et donc là voilà le courriel qui dit je suis en vie avec une vidéo d'elle. En plus c'est un peu hyper compliqué. Il faut qu'il se connecte à une webcam. Si vous pouvez pas y avoir directement une vidéo toute simple. Donc, oui. Il faut qu'il se connecte à une webcam parce qu'elle va passer devant à un moment. Bon en gros sa femme a l'air d'être encore en vie quoi. Donc c'est pas possible parce qu'elle est censée être morte. Donc du coup, il va voir son beau-père, André Dussolier, André pour Dussolier. Lui dire, voilà, c'est toi qui as examiné le corps et tout. Là, il y a un truc qui m'a fait marrer, parce qu'il fait, non mais attends, tu crois que je l'ai examiné en tant que père En tant que flic, je l'ai examiné en tant que père, j'ai juste reconnu et basta. Et deux secondes après, il fait, elle avait deux esquimaux à l'oreille gauche, elle avait... il donne une liste hyper détaillée de tout ce qu'elle avait. Ah mais là, Cluzet, il dit, ouais, je t'ai jamais demandé de détails, dans la... enfin, c'est pas possible. Ah bon, bon, c'était bien elle, d'accord. Non, bah non. En fait, j'ai jamais posé la question, c'était elle ou pas? Elle est morte ou pas? C'était vraiment elle. Parce qu'elle est vraiment plus dans ma vie, donc. Non, mais juste au niveau de l'histoire, s'il y a un truc qui est pas, le seul truc que j'ai trouvé pas cohérent, pourtant c'est ultra cohérent du début à la fin, je trouve, c'est que, genre, Cluzet, il aurait pas regardé une dernière fois sa femme, tu sais, dans le cercueil, quoi. Ouais. C'est non. Chelou, ça, quand même. Ouais, mais ça, c'est pour l'histoire, mais. Ouais, mais c'est pas normal, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un petit problème avec ce film, et ça c'est plus dans la construction, c'est qu'il aime bien introduire des personnages, mais genre en milieu, fin de scène. C'est-à-dire que ça fait 4 minutes qu'ils sont à l'écran et qu'ils parlent avec François Cluzet, et tu sais pas si c'est sa sœur, la meuf de sa sœur, ou quoi que ce soit. Et il le fait plusieurs fois. Il le fait aussi avec la meilleure copine de sa femme. Ouais. Ça fait 4 minutes qu'il parle, et tu fais putain, mais c'est qui? Et après ça, il fait, tu sais qu'elle était ma meilleure amie. Tu vois, c'est bon, dis-le avant, quoi, tu vois. Ouais, mais tous les effets, enfin, les effets sont pas... C'est pour tenir le spectateur en haleine. D'ailleurs, l'effet de réel, genre, au début, Cluzet, qui a une Volvo, qui existe plus, qui est tout tripou, alors que le mec est médecin, genre, ouais, ça va rajouter du réel, tu vois, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi, parce que ça marche pas. Et pareil, il y a une scène que je trouve un peu bizarre, quand il est avec la copine de sa sœur, c'est ça? Ouais, Axel Red, ouais. Axel Red. Ah non, Axel Red, c'est l'autre. Ah oui, la meuf de sa sœur, ouais. La meuf de sa sœur, ouais. Elle lui dit, mais... T'en as pas marre de fêter la mort de ta femme depuis 8 ans? Putain, mais tourne la page, t'es lourd! Quoi tu te mêles, connasse? Donc ensuite, il y a les photos de sa femme qui apparaissent, elle était battue dessus. Donc d'un seul coup, il redevient suspect, donc c'est un peu le bordel. Ça va vite dans sa tête à ce moment-là. Ça va hyper vite. Tout se chamboule, tout le monde est d'accord pour dire que tout se chamboule? Il est pas serein. Il contacte une avocate, on va parler de justice dans ce film, parce qu'il y a deux types d'avocats. Ouais. Il y a l'avocat très riche, très puissante qui conduit une Audi TT et qui fait cette chienne, elle va pisser sur votre carrière et elle est vraiment insupportable. Ouais. Et puis t'as vraiment le gros tocard loser, les murs de chez lui ils s'effondrent, il y a un toxico dans le fond. Mais c'est clair. C'est vraiment. Ah ouais, vous êtes pas un avocat comme Idokis, quoi. L'avocat c'est l'avocat en bas de comme Idokis. Le gars il est au bout du rouleau, il a des cernes énormes. Franchement, je suis fatigué. Il est en gueule de bois totale, t'as l'impression. Tu dis non, mais attends. Et même le flic à un moment il fait vous êtes allé voir Maître Machin. Ouah, c'est chaud, c'est un avocat comme Idokis, c'est vraiment un loser. Et on a aussi le personnage de Berléand, donc qui est le flic. Ouais, il est pas mal. Hein. Il s'est juste déguisé en Derrick, en fait. Il a les lunettes de Derrick. Hein. Non, ouais, mais c'est vrai. Il a l'espèce de trench marron clair. Il a les lunettes de Derrick. Il vit chez sa mère. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Il vit chez sa mère. Mais oui, c'est un moment. Il apporte chez les médicaments à sa mère. Enfin, pas chez elle, mais c'est genre. Voilà. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas aussi parce que je reviens un petit peu en amont. La scène où on les voit enfants. Ouais. On les voit courir, enfin, on comprend en fait qu'ils se connaissent depuis très longtemps, enfin, qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Ouais, c'est pour ajouter à l'idylle, quoi. Oui, voilà. Dans l'allée de Rose, là, le truc Disney, complètement impossible. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est quand ils étaient enfants, ils avaient le même âge, et après, ils avaient 20 ans. Il paraît vachement plus vieux, quoi. Il fait vachement plus vieux qu'elle. Il fait au moins 10 ans, quoi. Ouais, c'est le médecin, ça claque, hein. Bah, surtout quand t'as Bruno en client tous les jours, hein, et qui vient castagner tout ton service, quoi, donc forcément. Alors, dans ce film, il y a Olivier Marshall. Ah oui, le mec qui a la moustache. Ouais. Et donc c'est un des méchants là. C'est le flic. C'est un des hommes de main. C'est lui qui fait des films aussi. Ça te dit rien? Bon, c'est un mec qui a une moustache et c'est lui qui traîne avec la grande, la tchèque là. très sexy. Hein. C'est la femme la plus plate d'Europe. Ah oui, pardon, c'est bon. Ouais, mais c'est celle qui a le plus de pouvoir au monde, quoi, parce qu'elle te fait des trucs qu'elle n'a jamais vu. Elle fait la prise de Spock, avec deux doigts, elle t'immobilise. Elle te touche l'épaule, t'as mal au pied, quoi. Ensuite, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est le fameux montage YouTube. Alors on va en parler parce que c'est... ouais, déjà on s'était mangé le Jeff Buckley juste avant, tu sais, en clip. Et là, je vois YouTube, je fais non mais c'est pas possible, quoi. Il peut pas nous foutre un YouTube derrière. Et après, c'est encore pire que ce que je pensais parce que le YouTube est pas amené pour rien. C'est-à-dire que ouais, c'est le montage. Ça va amener le genre, il va tilter que il va falloir qu'il aille sur un compte Yahoo qui s'appelle YouTube. Donc là, on est déjà en quelle année. Parce qu'en fait, c'est YouTube. Non, mais pour expliquer brièvement, en fait, il reçoit un premier mail avec noté qu'il doit se connecter à un compte mail. Qui s'appelle Olympia. Concert Olympia. Concert Olympia. Sauf que ça marche pas en fait. Et donc du coup, ça marche pas. Et il fait YouTube 1984. Voilà, parce que le concert qu'il était allé voir avec sa nana. Comment il a deviné que c'était YouTube le machin? Ensuite c'était l'année. Non mais déjà, mais surtout comment l'adresse elle était libre encore, tu vois, en 2005 et YouTube. Non mais YouTube, en fait c'est YouTube 2550. Attendez, je vais vous expliquer. Vous avez pas l'air de bien comprendre. Vas-y. En fait ils sont allés voir YouTube en 1995 à l'Olympia. Ouais. Et c'était, il lui dit voilà concert Olympia et lui ça devait. Attends, tu nous prends pour des cons quoi. Ça on a compris. Non mais c'est juste comment il a pu deviner que fallait mettre YouTube et ensuite fallait mettre l'année. Moi j'aurais peut-être mis c'était bien, tu vois. Ah oui, je vous ai pris pour des cons. Ensuite, alors ça c'est très court, c'est vraiment un truc qui m'a fait marrer. Juste, je peux faire une intervention parce qu'il y a un truc, il y a un passage. Je reviens encore un petit peu en arrière. Il y a un passage où en fait quand il va voir pour la première fois ses beaux-parents, j'ai trouvé ça assez bizarre. Le mec, il y va en bagnole et au milieu de sa route, il sort de sa voiture, il laisse la fenêtre ouverte et il va taper les fougères dans la forêt. Ce mec, putain, je suis énervé, je vais me faire les fougères. Ça fait partie de sa c'est thérapie. Bizarre, ouais. Ouais, c'est quand même. Et à un moment, il va à la morgue et il va demander des documents. Et là, c'est pareil, c'est vraiment un truc qui me fait marrer, c'est pour qu'on comprenne que c'est à la morgue. Donc on voit plein de frigos avec des morts et en plein milieu il y a le bureau du gars. C'est alors, clair que le bureau qu'il y a même plus est dans plus la morgue. D'ailleurs, le mec il peut pas avoir un bureau à côté quoi. Non mais Thierry, ton bureau on va le mettre directement avec les frigos. Punition. Comme ça t'es à côté, t'as même pas besoin de te lever s'il faut. Par contre j'étais content parce que le médecin légiste c'est Jean Roucas. Ah bon, c'est pas mal. Ah il y ressemble. Ah mais l'acteur il est glauque, il a une tête trop. Bah c'est la morgue, tu vois là encore c'est des poussifs quoi. Et ensuite, donc c'est à partir de ce moment-là que le film vraiment démarre et que moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est la traque. Donc là, ça y est, les flics viennent le chercher, il est accusé à tort, il peut pas le prouver, donc il va s'enfuir. C'est la meilleure des choses à faire, évidemment. Mais non, attends, il s'enfuit parce qu'il a rendez-vous à 16h au parc Monceau. Hein. Aussi, ouais. C'est pour ça qu'il se barre, qu'il se dit non, pas maintenant. Au parc Monceau, hein. Donc globalement pour se retrouver au bac Monceau c'est compliqué tu vois si t'as rien. Ouais c'était ça ou dans les Alpes. Rendez-vous dans les Alpes. Je te propose en Auvergne. Ouais. Non mais je crois qu'elle donne rendez-vous près du kiosque ou je sais plus quoi. Non, juste parc Monceau. Il y a 10 entrées au parc Monceau mais. Et bon juste avant donc il y a la traque, il s'enfuit. Ça c'est un problème que j'ai dans ce film, c'est le traitement géographique. C'est-à-dire qu'on passe de Rambouillet à Versailles à Barbès. En 10 minutes. Ouais, à chaque fois, on va au plus. Ouais, après, tout à côté. C'est-à-dire que son hôpital, il est à Versailles, il traverse la route, il arrive à Istanbul. Ouais, parce qu'en plus, que t'as vraiment des puces de Saint-Ouen, franchement. T'es au marché aux puces. Et après, en 2 secondes, ils sont à Rambouillet. À chaque fois, t'as l'impression que c'est à 10 minutes de bagnole. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, déjà, ils traversent le périph. C'est vrai que c'est le moins dangereux pour échapper aux flics. Ils traversent le périph. Ceci dit, c'est radical, hein. Tu traverses le périph, plus personne t'emmerde. Hein. Oui, du coup, il se fait pas suivre. Mais le problème, c'est que, il est incriminé pour des crimes qu'il a pas commis. Par contre, là, il a sûrement tué 3 personnes dans un accident. Ouais. Et par contre, aucun problème, quoi. L'avocat, il lui en parle même pas. Enfin, ouais. Donc après on a le petit traitement aussi qui est assez sympathique qui est la cité en gros c'est une zone de non-droit quoi. C'est-à-dire que les flics il y a des télés qui vont tomber sur leur bagnole, il y a grosse scène d'émeute, alors ça sort de nulle part et surtout c'est par quel hasard ils se retrouvent dans la même cité, le même bâtiment, genre, c'est Bruno. Il appelle Bruno. Il appelle Bruno quand il est dans quand la poubelle. Il est comme par hasard à pied à 5 minutes quoi. Bon ça on n'en sait rien. Bon, écoute, ouais. C'est du cinéma. Attends, avec son grand Cherokee qui passe partout. Mais ce qui est dingue c'est que Bruno encore une fois il a une influence totale dans la cité et que les gars vont prendre tous les risques pour sauver le médecin qui a fait une picouse à son fils quoi tu vois. Et donc c'est-à-dire que les gars ils vont empêcher les flics d'arriver, ils font la totale, c'est-à-dire que ils font le subterfuge de je m'assois tranquillou et je tire une balle pour faire croire que c'est là-bas, tous les flics foncent dedans. C'est-à-dire que les gars ils font strictement tout et n'importe quoi pour sauver François Cluzet alors qu'ils le connaissent pas, quoi, tu vois. Mais il est très pratique, hein, Bruno, hein, parce qu'il arrive toujours pour le sortir des mauvais coups. Hein. C'est Wesh plus ultra, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais là, il est. Il a dû refouler des plasmas, c'est quoi, ça, hein, tu vois, pour c'est le surtout qu'il prend des risques de dingue. Oui. Pour un mec qui a juste sauvé son fils une fois. Bon, il va l'expliquer. Non, attends, il y a pas que ça. C'est que il a permis de pas l'incriminer parce que son fils il est hémophile. Donc il a un respect infini pour lui. Ouais. Ouais. On peut dire ça. Donc après donc il va lui sauver sa vie avec il va lui sauver la vie avec sa grande fratrie de boys. Ouais. Et après sa petit montage saut à Barbès parce que ils vont changer de cité parce qu'ils vont aller voir Gonzalez là ou je sais pas quoi. Gonzo. Ah oui. Gonzo donc Jalil l'espère. C'est qui ? Pour lui demander s'il avait trompé sa femme et tout, c'est un peu complexe. Ouais. Ouais. Bah Jalil l'espère, c'est Lascar qui fait ouais, même je l'ai craché dans la bouche. Ouais. D'accord. Ouais, c'était le détail que je voulais dire au micro. Il y avait plein d'autres choses, mais j'avais envie de dire ça. C'était un texte de Mallarmé en fait. Et donc après, ils vont comme Gilles l'espère, il dit ouais, j'ai trompé ta femme et tout. Donc Gilles Lelouch, François Cluzet, faut absolument qu'il aille voir l'avocat, donc le fameux avocat de merde. Et il lui demande donc du coup, est-ce que ma femme l'avait trompé avec lui. Enfin, donc ça, c'est vraiment un truc un peu compliqué, mais je le précise parce que ça m'a fait rire. L'avocat, il fait oui, effectivement, votre femme couchait avec cet homme depuis un petit moment. Et il se retourne vers Gilles Lelouch qui est au fond de la salle. Et Gilles Lelouch, il fait une grimace genre, ouah, c'est chaud. Ah, franchement, j'aurais brini. Et c'est après, mais c'est à ce moment-là qu'on voit le gars des huîtres. Ouais. Non, c'est après, c'est là. Ah, c'est le méchant espion. C'est la scène au parc. C'est au moment du rendez-vous. Ouais, c'est le moment. Ah. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le moment d'élire la star du film. Ah, oui. Alors le principe est simple, c'est on a choisi la star du film et ce soir c'est deux personnages ex aequo. Ouais, c'est serré, mais moi j'avais une petite préférence pour Lelouch. Alors le premier c'est Lelouch effectivement en Kyra un peu nerveuse. Mm-hmm. Donc on écoute ça tout de suite. Mais le merde! Dégage-toi, te mets le patin. Qu'est-ce que toi, t'es mis? Je lui ai dit de vous appeler, elle voulait pas cette connasse là. Bah j'en ai rien à foutre, je vous saute à bout. Quoi, vous préférez un lecteur DVD? Ou un placement? J'ai du pur placement, vous voulez pas un placement? Qu'est-ce que tu parles toi? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est un mec qui m'a rendu service après. J'avais rendu mon gamin à l'hosto, il avait des bleus partout. Ces enculés là, ils ont cru que c'est moi qui l'avais pété. Bah ce mec, il est allé chez les keufs, il leur a expliqué que j'avais rien à voir dans l'histoire, que c'est juste parce qu'il était hémophile. Lève-toi, toi. Lève-toi. Détache-le. Détache-le. Détache-le, toi, grand con, détache-le. Putain, bordel de merde. Merde. Putain. Donc il est assez nerveux, assez convaincant. Greg, t'as bien un truc à nous dire sur Gilles Lelouch? Non, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est vrai. Que... Ouais, non, Gilles Lelouch, bah il est, enfin, je sais, non, franchement, je sais pas quoi dire. Son accent, il est un peu changeant. Des fois, il a un accent un peu. Ouais, bah je sais pas. Enfin, ils ont cru que c'est moi qui l'avais péta. Tu vois un peu. Mais il a pas du tout un accent doué, je crois. Non, il utilise des mots genre pur plasma, tu vois. Des pur plasma. Ça met bien dans l'ambiance quand même un peu Lascar, tu vois. Ça c'est bien, franchement. Ouais. Non. Et donc le deuxième, moi j'ai voté pour François Cluzet, car il pique des crises dans ce film beaucoup, comme dans Les Petits Mouchoirs d'ailleurs. Ouais. Et on écoute ça tout de suite. C'est pas le problème, elle est cavalière, elle est pas gestionnaire. Qui va finir par s'en occuper de ses écuries? C'est moi. Moi j'ai pas le temps. Mais je m'énerve pas, t'es toujours en train de la défendre. Que je suis désolé. Non mais ça va pas ou quoi? Hein? Non, c'est pas naturel, non. J'ai jamais frappé ma femme. Vous comprenez ce que je vous dis là ou non? Et ça fait une demi-heure, tu sais. Ça marche pas. J'ai jamais baisé ma femme. Elle était à Lyon ce soir-là. Et moi, je peux le prouver et faire sauter ton alibi. Moi, je sais pas si t'as buté le fils Navi, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que moi, on m'accuse d'avoir tué mon ami d'enfance. Tu me dis tout ce que tu sais, autrement, tu vas aller te faire enculer en tôle. Hein? Il y a 3 jours? Non, mais vous rigolez ou quoi? Hey, je la connais, ma pelouse. Mais je m'en fous de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive avec des amis, j'ai l'air de quoi maintenant? Hein? Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage? Hein? Et voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon, alors écoute-moi bien, abruti. Hein? C'est très simple. C'est tu vas aller dire à l'autre abruti, ou tu demandes au jardin, c'est pas le château de Versailles, je peux te dire, ta société, elle va pas faire le piéton. Donc j'ai un peu triché, ouais, celui-là, il vient peut-être d'un autre film. Mais non, c'est à la scène de fin, là, quand il arrive près du lac. Quand il est dans l'allée de Rose. Putain, c'est pas tendu. J'avais dit qu'on priait. Voilà, ça avait des traces jaunes. Donc on reprend. Ça va être dur après ça. Voilà. Donc rendez-vous au Parc Monceau. Et c'est là qu'on découvre tout le casting des Petits Mouchoirs, parce qu'il y a le vieux à huître. Oui, oui. Il y a Laurent Lafitte aussi. Il y a Laurent Lafitte avant aussi. Alors pourquoi, deuxième erreur de casting, pourquoi faire un méchant avec Laurent Lafitte? N'importe quoi. Surtout que c'est un peu des bras cassés entre la grande saucisse qui parle pas et Laurent Lafitte dans ton équipe. Franchement, t'es pas bien, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'il en a qui tapé un gars. Oh, tu m'écoutes? C'est pour ça qu'il faut une tchèque qui sait faire des coups de l'espace. Ouais, c'est le tchèque qui fait du chatsou. Hein. Apparemment, Laurent Lafitte est pressenti pour faire Dark Vador dans Star Wars. Hein. La BO est de M. Et du coup, ça vient vraiment clore le. Il manquait juste Samir et je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est lui le cerveau de l'affaire. D'où la BO est de M, il n'y a que des chansons de ça. À la fin. Ouais, d'accord, il a fait une chanson quoi. Ouais, il a dû faire une chanson. Ouais. Donc là, il le kidnappe assez vénère et tout, c'est un peu nerveux, il le met dans un camtar. La grande saucisse. Elle se prend deux balles. Ah oui, ouais. Ça. Non mais. Parce que Gilles Lellouche, il vient le sauver. Ouais, et c'est cette fameuse nana, tu sais, genre, j'aime bien, c'est le cliché un peu des gens de l'Est, tu sais, qui meurent avec honneur. Je me suis dit, je vais pas crever dans la camionnette, je vais crever sur le trottoir, tu vois, devant la vitrine. Elle a le temps de la passer à la boulangerie, c'est pour Mais tu m'expliquais comment elle meurt. Parce qu'en fait, elle sort de la camionnette. En fait, lui, il veut essayer de la faire parler, le louche. Pour qui tu bosses? Elle veut pas parler, donc elle sort de la camionnette, mais elle fait 7 km en fait, avec deux balles dans le dos, quoi. Et surtout, elle s'arrête pas, elle pourrait s'arrêter et lui dire, eh, basta, elle reste en vie, quoi. Là, elle meurt. Non, parce qu'elle se prend déjà les deux balles dans le dos. Ouais, enfin, elle meurt même, parce que Gilles Lellouche veut vraiment tout pour, il veut tout faire pour sauver son pote Puzet, parce que trois personnes quand même pour juste pour ça, tu vois. C'est... Puis c'est vrai que le meilleur moyen de rester discret, c'est de suivre ta victime dans la rue avec un casque à la pointée, quoi. Capuché un flingue pour ensuite monter dans le véhicule le plus suspect, c'est un SUV noir. Donc ensuite, on apprend que donc c'est Rochefort le méchant. Ouais. Enfin, on va pas trop spoiler la fin parce que c'est pas nécessaire. Ça sert à rien. Oui, bon, sachant que je viens de la spoiler. Donc voilà, terminé. Ouais. Il y a ce truc-là qui me fait marrer aussi. Ça, c'est souvent dans les films. C'est on a le tuyau, elle est à l'aéroport, elle a son avion ce soir à 23h30. Alors, au lieu de passer un coup de fil et qu'on l'arrête à l'aéroport, les deux flics foncent à Roissy et arrivent au dernier moment, quoi. Oh, elle vient d'embarquer. Alors que le mec avait 6 heures pour y aller, tu vois. Bon, je fais quelques courses, après on y va, on devrait avoir le temps. Et après ça, il y a un petit truc, bon, je pense que ça a dû te plaire aussi. Gilles Lellouche et ses potes qui font du PES, quoi. Ils viennent de tuer deux mecs dans l'après-midi. Ouais. Mais oui, c'est clair. Je veux dire, t'as tes pieds sur le canapé. C'est qui cette meuf d'ailleurs sur le canapé? Black. Et surtout, je comprends pas. Je pense qu'ils ont dû retirer une scène parce qu'il y a tout un truc avec des regards, genre. La meuf, elle est en train de pleurer. Mais ou c'est la meuf de Gilles Lellouche. Et ben en fait, il part en fuite parce qu'il vient quand même de buter une personne, quoi. Ah bon, il part en fuite. Wow, alors c'est la meuf de Gilles Lellouche. Ouais, parce qu'il prend de la thune, il prend un sac à dos, enfin un sac de sport là. Le mec, il dit au revoir à sa vie et pour son médecin, quoi. Mais du coup, il sort avec une blague. Son enfant est roux. Ouais, il est hémophile. Ouais, c'est vrai. Ouais, les hémophiles, ils sont tout blancs. Après ça, il y a. Ça, pareil. Après, il y avait même pas de blague, en fait. Après, il y a un cliché de film qui me fait marrer, qu'elle a dans tous les films. Il y a un moment où le flic va voir, je crois que c'est Nathalie Baye, et qui lui dit, ou Christine Scott Thomas, et qui lui tend un document, et qui fait, voilà, c'est le rapport d'autopsie. Et tu sais, ce fameux truc, c'est un document de 5 pages, écrit en tout petit, et la personne regarde et fait, oh, j'en étais sûr, c'est vachement long, tu vois, y a rien de surligné et tout, genre, c'est trop galère, faut tout lire. C'est surtout pas un vocabulaire que la patronne du Kung peut comprendre, quoi. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Et du coup, à la fin, donc sans raconter vraiment la fin, il y a une scène finale où on explique tout ce qui s'est passé. C'est bien. C'est pas mal. Après, il y a un truc qui me fait marrer, qui fait tout est dans ces documents et le mec c'était dans la commode du gars depuis le début. C'est genre la meuf en faisant le ménage, elle l'a jamais trouvé ce putain de truc, quoi. Et surtout, il n'y a aucune procédure. C'est-à-dire que c'est fini. Le mec est dédouané direct, il n'y a pas de papier. Bah, tu te rends compte si en plus on devait filmer la procédure. Tu veux filmer la procédure, ça te fait encore 6 clips de Saul, le truc comme ça serait beaucoup trop long, pas possible. Par contre, je suis surpris qu'on n'ait pas parlé du tapis de salle de bain qui promène avec une laisse tout au long du film. Il a l'air cool ce chien. Il y a tout un truc avec le chien d'ailleurs, parce qu'elle l'avait accroché et quelqu'un avait témoigné que le chien était machin. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis à la fin, évidemment, un montage soul, retrouvailles à l'arbre avec sa femme. Est-ce que tu nous as fait un montage soul, démontage soul ou pas? Non, je n'ai pas fait ça. Donc c'était notre avis sur ce film. C'est maintenant l'heure d'un deuxième avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Wow. Alors, c'est moi qui me suis collée... Alors, tu as pris du plaisir à le faire, Barbara ? Ouais, c'est assez marrant de lire ce que les gens peuvent penser, ouais. Ou le fait qu'ils ne pensent pas beaucoup, du coup. Et, alors, on commence par... Bah, bien sûr, c'est que des commentaires 5 étoiles. Ah. Il m'apparaît clair... Ah, c'est Jiwalu. Jiwalu qui nous dit « Il m'apparaît clair à la vision de ce film que Guillaume Canet n'est pas un cinéaste. Il manque quelque chose dans la succession des plans, dans le cadrage, dans le montage, dans la photo. Il manque ce petit plus où les grands s'illustrent. Néanmoins, il a le mérite de proposer un genre de film rare pour le spectateur français doté d'un casting exceptionnel. » Il a mis 5 étoiles. Merci Guillaume Canet, on espère tous mieux que la réalisation, il ne manque que ça. Et le mec met quand même 5 étoiles. Quoi. En gros, il est en train de dire que... Bon, les couleurs sont patates. Par contre, t'as tout le casting du cinéma français, donc bravo. Quoi. Ouais. Oh, 5 étoiles pour le louche. Plus un pour la performance. Alors, on a aussi Moldy Piche qui nous fait... Moldy Piche. Waouh. J'ai rarement été à ce point intéressé par un film du début à la fin. De A à Z, ce film est génial. J'étais intéressé, c'est trop bien quand même. Les acteurs parfaits, la BO extra, l'histoire magnifique, pleine de suspense, d'action, de mystère et beaucoup de sentiments différents. C'est la première fois que je ne trouve aucun reproche à faire. Franchement, chapeau Guillaume Canet, un film excellent qui plus est français à voir absolument. Cette personne aime la Saoul. Ouais. Bon, on a encore Jute. D'accord. Qui met en deux mots. Excellent, surprenant, innovant, pas français. Donc il a pas compris que 4 ça faisait pas 2. Mais surtout c'est français. Ah oui. Ouais, non mais pas français pendant l'interrogation. Ah oui, d'accord. Mais si la vache, ouf, Canet me fait renouer avec notre cinéma. Vous aimez TF1 et les séries françaises, sublime, passez votre chemin, car alors avec ce film, vous allez vraiment avoir des émotions. Cusé est tout simplement génial. C'est dur à entendre. Hein. C'était F1, ça m'a piqué les yeux, c'est pour ça que j'ai fait. Moi, c'est la vache qui m'a piqué. Oh la vache, oh, la vache. Vache. En deux mots, hein. Ça fait 40 mots. Donc, pour finir, on a Scalap. Je crois qu'il s'appelle Pascal. Le livre était à couper le souffle, le film l'est tout autant. Une distribution magistrale, une transposition parfaite de l'intrigue des USA à Paris. Un rythme haletant, on frôle le chef-d'œuvre. Alors on le frôle, ouais. Eh bien, c'était notre avis et celui des autres sur le film Ne le dis à personne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre chef-d'œuvre. Eh bah, à la semaine prochaine alors. Ciao. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.